إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc la semaine dernière, on avait traité de la prière du vendredi et des règles et des comportements à y respecter. Al-Jumu'ah, quelle est l'origine du mot Al-Jumu'ah? Pourquoi est-ce que Al-Jumu'ah est appelé Al-Jumu'ah? Tajma' al-Nas, car c'est un jour où les gens sont rassemblés, c'est vrai, c'est une des explications que les savants ont données, et la deuxième est le jour où Allah Azza wa Jal a créé Adam alayhi salam. Et on avait dit que la vie rajih, le plus sûr des deux, c'était le second. Et avant l'arrivée de l'islam, comment était appelé ce jour? Est-ce qu'il a toujours été appelé Al-Jumu'ah ou est-ce qu'il avait un autre nom avant? Qui connaît ce nom? Al-Aruba. On avait dit que ce nom était Al-Aruba. Taïb. Quel est le jugement de la prière du vendredi? C'est une obligation pour chaque individu parmi les musulmans. Et on avait dit que dans cette obligation, il y avait des personnes qui étaient exemptes de cette obligation. Ces personnes sont au nombre de cinq. Quelles sont-elles? L'esclave. La femme. L'enfant. Le malade. Et Al-Musafir. Taïb. On avait cité les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il n'est pas obligatoire pour la femme, pour l'enfant, pour le malade et pour l'esclave de ne pas assister ou de ne pas prier Jumu'ah. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Laysa 'ala al-musafiri Jumu'ah ». Quelle est la preuve de son obligation dans le Coran? Quelle est la preuve de l'obligation de la prière du vendredi dans le Coran? Naam. أحسنت آية الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. Ô vous qui avez cru, lorsque l'appel à la prière du jour du vendredi est fait, alors empressez-vous vers le rappel d'Allah. Et on avait dit إلى ذكر الله, c'est-à-dire الصلاة والخطبة. On avait dit que dans le verset où Allah a dit fas'au ila dhikrillah ay ila salati wal khutba. Dhikrullah ici, il englobe à la fois le prêche et la prière. Wa dharul bay', et délaisser toute transaction commerciale, délaisser toute vente. Qu'est-ce qu'on avait dit sur ce sujet? Délaisser toute vente. Non, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité cela car c'était le métier le plus répandu et que cela n'autorisait pas aux autres personnes qui ont un autre métier de ne pas assister à Jumu'ah. D'accord? Tous ceux qui ont un travail, le travail n'est pas une excuse valable pour ne pas se rendre à Jumu'ah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a cité le commerce à titre d'exemple. Tu as une question qui peut être amenée à être posée concernant la vente le jour de Jumu'ah. Est-ce qu'un voyageur a le droit de vendre pendant le Jumu'ah? Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wadharul bay'a » et délaisser toute vente ou toute transaction commerciale. Supposons qu'une personne est voyageur. Elle voyage pour aller vendre. Et dans le pays où elle est, ou dans la région où elle est, c'est l'heure de Jumu'ah. Les gens vont prier, mais lui, il a déballé son stand et il compte vendre. Est-ce qu'il a le droit ou pas? Non, normalement. Non, parce que les gens, ils doivent se rendre. Les gens doivent se rendre en Jumu'ah. Normalement, s'il vend, lui, il va les distraire. Quoi. Je sais pas, peut-être. Ouais, mais peuvent vendre des femmes, c'est pas vrai. Ah, il y a des femmes qui viennent au marché, maintenant. Non. Il y a déjà une chose qu'il faut savoir, c'est que les savants disent qu'il est interdit de vendre, mais il est par la même occasion interdit d'acheter pendant le Jumu'ah. Parce que quand la vente est interdite, l'achat aussi est interdit. Donc il y en a qui disent, alhamdoulilah, moi je ne vends pas le Jumu'ah, mais lors de Jumu'ah, t'es parti acheter. D'acheter et de vendre sont deux choses interdites. Ensuite, les savants ont dit que cette interdiction ne porte pas sur ceux qui sont exempts de Jumu'ah. Autrement dit, les cinq personnes. Il y a une chose dont les savants sont unanimes et d'accord, c'est que pendant le Jumu'ah, une femme a le droit de vendre à un enfant. Une femme a le droit de vendre à un voyageur. Un voyageur a le droit de vendre à une femme, etc., etc. Et là où il y a une divergence, c'est lorsque l'une des deux personnes fait partie de ceux qui doivent prier le Jumu'ah. Autrement dit, un voyageur, est-ce qu'il a le droit de vendre à un homme qui doit assister à Jumu'ah? Il y a un khilaf des savants. L'avis le plus sûr, Wallahu a'lam, c'est que cela n'est pas autorisé, car la personne aide au mal. Et d'autres savants ont dit, si un voyageur vend à un homme qui lui doit assister à Jumu'ah, le mal et le péché ne sera qu'à l'homme qui a acheté, et non au voyageur qui a vendu, car lui il a le droit de vendre. Et celui qui a fait l'erreur, c'est l'homme qui lui a acheté. Donc il y a un khilaf à la kulihal sur ce sujet, mais l'avis le plus sûr, Allah alam, c'est de s'éloigner de toute ambiguïté. D'a'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Laisse ce qui fait planer un doute à ce qui n'en laisse pas planer. Wallahu alam. Tayyib. Ensuite, on avait parlé des hadiths qui parlent des bienfaits de Jumu'ah. Quel hadith on avait cité sur cela? Quelle est la récompense de celui qui se rend à la prière du vendredi? Non? Tfadal. Je me rappelle. Man ata al-Jumu'ah. Non. Man irtasala. Non. Wa ata al-Jumu'ah. Non. Fa salla ma qudira lah. Thumma ansata. Ansata hatta yafrugh al-imam. Non. Thumma salla ma'ah. Non. Kutiba lahu. Non. غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. أحسنت. Donc parmi les bienfaits de la Jumu'ah ou des mérites, c'est celui qui fait son grand lavage, celui qui se lave le jour du vendredi, se rend à la mosquée, écoute l'imam jusqu'à ce qu'il ait terminé son discours, puis prie avec lui, alors ses péchés seront pardonnés jusqu'au vendredi suivant. Et dans un autre hadith, jusqu'au vendredi suivant, et le professeur Hassan a rajouté 3 jours wa fadlu Salatati ayyam, ce qui fait en tout une récompense de pardon des péchés pendant une période de 10 jours. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une condition, majtunibati al-kabair, la condition que les grands péchés sont abstenus. Ensuite, on avait parlé des hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam met en garde contre ceux qui délaissent al-jumu'ah. Quel est le péché ou quel est le châtiment de celui qui délaisse le Jumu'ah? Naam. Il avait ordonné, sallallahu alayhi wa sallam, de dire, il voulait ordonner de mettre un imam, de faire quelqu'un qui appelle à prière et d'aller brûler les maisons. Ahsant. Dans un des hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il avait l'intention d'ordonner à une personne de prier, de présider la prière et d'aller se rendre dans les maisons et de brûler les hommes qui n'assistaient pas à le Jumu'ah. Donc on avait dit qu'il y avait 2 versions de ce hadith. Une qui dit la prière en groupe, Salatul Jama'ah, et un autre hadith où le professeur Hassan a dit Salatul Jumu'ah. Tayyib. Et quel est un autre péché ou quel est encore un autre châtiment de celui qui délaisse le Jumu'ah? Non. Le hadith dit que c'est des peuples qui délaissent le Jumu'ah. Où le professeur Hassan met en garde ceux qui délaissent le Jumu'ah, leur a dit que ceux qui délaissent le Jumu'ah, qu'ils s'abstiennent, ou bien alors Allah subhanahu wa ta'ala tamponnera leur cœur et ils feront partie Ils feront partie des personnes négligentes. Et on avait dit que les savants ont dit les personnes négligentes, c'est-à-dire que si tu laisses Al-Jumu'ah, Allah subhanahu wa ta'ala fera que ton cœur ne soit plus atteint par les bonnes actions et les bonnes paroles. Ton cœur ne sera plus, n'acceptera plus le bien et ne sera plus attiré et n'aura plus d'effet, ou le bien n'aura plus d'effet sur ton cœur, wal'iyadu billah. Et le hadith le plus dur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant le Jumu'ah, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui délaisse trois prières du vendredi sans excuse, Allah subhanahu wa ta'ala l'écrira ou l'inscrira parmi les hypocrites. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit en parlant des hypocrites, إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا. Que les hypocrites, ce seront eux qui seront dans les plus basses profondeurs de l'enfer, et ils n'y trouveront là-bas aucun secours. Trois Jumu'ah, qu'est-ce qu'on avait dit sur cela? On avait dit que c'était pas obligé que ce soit trois Jumu'ah d'affilée. Ça peut être Ahsan. On avait dit que dans ce hadith, le professeur Hassan a dit من ترك ثلاثة جمعات من غير عذر, celui qui délaisse trois Jumu'ah sans excuse. Dans aucun hadith, le professeur Hassan n'a cité trois Jumu'ah d'affilée. Il n'a jamais dit trois Jumu'ah d'affilée. C'est ce que les gens ont compris, car c'est ce qui les arrange. Taïb, l'heure de Jumu'ah. Combien d'heures il y a pour accomplir la prière du vendredi? Il y en a deux. Avant le zénith du soleil, ou bien après, autrement dit, avant l'heure de Dhuhr, ou bien après l'heure de Dhuhr. Taïb, quelle est la preuve qu'il est autorisé de la faire après l'heure de Dhuhr? Quelle est la preuve qu'il est autorisé de faire après l'heure de Dhuhr? Non. Je ne sais pas si ça va être une bonne preuve, mais que celui qui ne prie pas le Jumu'ah, il fait Dhuhr. Il y a un hadith sur ça? Non, on avait cité un hadith bien précis sur ça. Aywa, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, yusalli al-Jumu'ah hina tamilu shams, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait al-Jumu'ah au moment où le soleil dépassait le zénith, au moment où le soleil commençait son inclinaison. Et quelle est la preuve qu'il est autorisé de la faire avant l'heure de Dhuhr? Naam. Un sahabi qui disait qu'ils priaient sa Jumu'ah et qu'ils avaient le temps d'aller abreuver leur chamelle, et que à ce moment-là, Hassan, le hadith de Jabir radiallahu anhu, qui dit qu'il priait avec le professeur sallam, qu'il retournait vers leur troupeau de chamelles et de chameaux, qu'il les abreuvait, puis qu'il retournait, et que c'est à ce moment-là que le soleil commençait son déclin. C'est à ce moment-là qu'il y avait l'heure de Dhuhr. Et il y a d'autres hadiths, comme le hadith de Salam ibn al-Akwa, qui dit qu'il priait avec le professeur sallam, puis il retournait et il dit on attabba al fay كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع ونتتبع الفي. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Qu'est-ce que le fay? Qu'est-ce que le fay? Naam. Al-dhil. Ahsant. C'est l'ombre. Mais quelle ombre? Ayu dhil. Naam. L'ombre de la lance qui mettait pour voir si Non. On avait vu le fay, subhanallah, dans Al-Qat al-Salah. On avait vu. L'ombre de toute chose, non? C'est l'ombre de toute chose. Al-Fay, on avait dit qu'en arabe, c'était une ombre bien précise. Égal au corps. Non? Égal au corps. Je n'ai pas entendu. Par rapport à sa taille, non? Non. Par rapport à ce moment. On avait dit que le fay, c'était l'ombre qui suivait le déclin du zénith. C'était l'ombre qui vient juste après que le soleil dépasse son zénith. Cette ombre-là, elle est appelée Al-Fay. Et après le fait, c'est Adhil. Et avant le fait, c'est Adhil. Avant le zénith, l'ombre qu'il y a, elle est appelée en arabe Adhil. Juste après le zénith, cette ombre est appelée Al-Fay. Et après, elle est appelée Adhil, l'ombre. Donc, toute ombre est. Tout fay est une ombre, mais toute ombre n'est pas forcément un fay. C'est clair ou pas? Et elle fait, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est l'ombre qui vient juste après le zénith. Juste après le zénith, on appelle en arabe, et dans char, on n'appelle pas ça, on appelle ça, elle fait. Et Salam ibn al-Akwa, radiallahu anhu, il dit, on faisait le jumu'ah avec le prophète, thumma narji' fanatatabba' al-fay. Puis on retournait et on essaie de voir et de suivre al-fay. Autrement dit, l'ombre qui vient juste après le zénith. Ils avaient déjà prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et retournaient, étaient dans le chemin du retour. Donc cela prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait avec ses compagnons radiallahu anhum avant al-fay. Il y a d'autres hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où des compagnons ont dit كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة عند زوال الشمس حين تزول الشمس. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait al-jumu'ah au moment du zénith. Qu'est-ce qu'on en déduit de ce hadith aussi? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait la khutbah avant, puisqu'il priait au moment du zawal, après le zawal. Donc, qu'il avait commencé la khutbah bien avant. Wallahu a'lam. Ensuite, on avait parlé du discours du vendredi, al-khutbah. Quel est son jugement? Quel est le jugement de al-khutbah? Wajibah. Quelle est la preuve? Non? Le prophète ne l'a jamais délaissé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais délaissé et il nous dit sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Ensuite, le discours, comment est-ce qu'il doit être? On avait cité plusieurs hadiths à ce sujet. Dans un premier hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de prolonger la prière et de réduire et de raccourcir le discours. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un compagnon nous dit que la prière et le discours du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'étaient ni longs ni courts. Qasdan, qasdan. Comment rassembler ces deux hadiths? Dans le premier hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Atilu s-salah wa qsuru al-khutbah » Il raccourcissait le discours. Et des compagnons de la Anhum nous disent que le discours et la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'étaient ni longues ni courtes. Non? Ça signifie que quand ils ont dit « il est ni long ni court », ça veut dire que sa khutbah elle était courte et que sa salat a été longue. Et quand tu as rassemblé deux, et bien ça fait ni long ni court. C'est ce que tu as expliqué après. Je n'avais pas expliqué ça comme ça. Non? On se réfère à la khutbah et à la prière du prophète alayhi salatu wassalam. Comment il a fait la khutbah et comment il a prié. Aywa. Et on juge qu'elle est longue ou quoi. Ahsan, ça c'est sûr, le comment juger qu'une prière est longue ou pas. Si ta prière est comme celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est longue. Si ton discours est comme le discours du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est court. Ça, on avait dit que c'était pour définir la longueur et le fait que la khutbah soit courte. Mais comment rassembler les deux hadiths? Dans le premier hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit allongez la prière, raccourcissez le discours. D'accord. La prière doit toujours être proportionnelle, non? Non. Et ça va, on dit, il n'y a pas de divergence, il n'y a pas de contradiction, car la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam en elle-même n'était ni longue ni courte. Et le discours du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était en lui-même ni court ni long. Mais lorsque l'on comparait la prière et le discours, la prière était plus longue que le discours. Donc c'est ainsi que les savants ont rassemblé les deux hadiths, ont dit qu'il n'y a pas de contradiction. Et que le professeur Asselem a dit Atilu s-salah wa qsuru al-khutbah, allongez la prière et réduisez et raccourcissez le discours, c'est-à-dire que votre prière soit plus longue que la khutbah. Comme le dit l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala. Ensuite, on avait parlé de que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant sa khutbah, comment est-ce qu'il parlait, comment est-ce qu'il faisait, comment est-ce qu'il s'adressait à ses compagnons, radiallahu anhu. Naam. Quand il faisait le khutbah, ses yeux devenaient rouges. Naam. Sa voix, il l'élevait. Ahsan. Sa colère, elle devenait forte. Comme un chef qui mettait en garde sa troupe contre l'ennemi. Ahsan. Ahsan. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait sa khutbah, élevait sa voix, que ses yeux devenaient rouges, qu'on sentait la colère du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il parlait, comme si le chef d'une armée mettait en garde ses soldats contre l'arrivée de ses ennemis au matin ou au soir. D'accord ? Et ainsi doivent faire les imams lorsqu'ils font leur khutbah, ils doivent être éloquents, ils doivent élever leur voix pour attirer l'attention des gens. Il ne faut pas que leur discours soit passif. Au contraire, quel est le but du discours du vendredi? C'est de rappeler les cœurs, c'est de réveiller les gens, c'est de leur faire le rappel, de les secouer. Et pour que cela soit efficace, il faut faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que l'imam doit être actif, il doit être éloquent, il doit être captivant, il doit toucher les gens. Car c'est le but de la khutbah, wallahu a'lam. Ensuite, on avait parlé de khutbat al-haja, le discours du besoin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait avant ses cours, avant ses exhortations et avant également de commencer son discours du vendredi. Taïb, de dire khutbat al-haja, est-ce que c'est une obligation ou est-ce que c'est seulement préférable? Un imam qui commence sa khutbah sans commencer par khutbat al-haja. Ahsan, c'est mustahab. C'est préférable. C'est recommandé, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ainsi. Mais celui qui commence son discours ou son cours par autre que khutbat al-haja, ce n'est pas un mal. Mais le mieux pour lui, c'est de commencer par les termes et les formules que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'obligation, on avait aussi parlé de l'obligation d'écouter l'imam pendant son discours et l'interdiction de parler. Quelle preuve on avait cité? Naam. Hadith du prophète qui dit, celui qui dit à son compagnon, tais-toi, il a faqad la raou. Faqad la raou. Faqad la raou, il dit ma'na l'insan. Faqad la ra. La ra. Afik. Et lara, ça veut dire des paroles futiles. La yuhsinu min al-kalam. Ma yuhsinu min al-kalam, ahsant. Que le professeur Asselem a dit, idha qulta li sahibika yawm al-jumu'ah, wal imam yakhtub, ansit wal imam yakhtub, faqad laghawt. Si tu dis à ton compagnon le jour du vendredi, tais-toi alors que l'imam est en train, ou écoute-toi, écoute le discours alors que l'imam est en train de parler, tu as alors dit une mauvaise parole, faqad laghawt. Et les savants ont dit, al-laghu, c'est ma la yuhsinu ou ma la yahsunu min al-kalam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a cité al-laghu dans le Coran, wa idha marru bil-laghwi marru kirama. Et lorsqu'ils passent devant des gens qui disent de mauvaises paroles, ils passent comme des bonnes personnes, c'est-à-dire qu'ils condamnent ces paroles et ne les écoutent pas et continuent leur chemin, ne s'arrêtent pas. Comment rattraper Al-Jumu'ah? On avait donné deux situations. Al-Jumu'ah, il y a combien de rak'at? Deux rak'at. Celui qui arrive à la deuxième, comment est-ce qu'il rattrape? Il rattrape une. Celui qui arrive à la deuxième, mais n'a pas atteint la deuxième, il fait Al-Dohr. Il prie Al-Dohr. À une condition. Non. À une condition. Qu'il soit excusé. À condition qu'il soit excusé. Car on avait vu que l'avis le plus sûr parmi les avis des savants, Allahu a'lam, c'est que celui qui délaisse al-jumu'ah sans excuse, la yusalli. La al-jumu'ah wa la al-dhuhr. Il ne prie ni al-jumu'ah ni al-dhuhr. Ensuite, on a parlé des sunan des prières à faire avant et après Al-Jumu'ah. Avant, quelle est la sunna du prophète sallam? C'est illimité. À partir de quel moment c'est illimité? Naam? Après le Fajr ou après le lever du soleil? Après que le soleil soit levé et qu'il se soit élevé. D'accord? Autrement dit, un quart d'heure après le lever du soleil, il t'est autorisé de prier autant de prières que tu veux jusqu'à ce que l'imam monte sur le minbar. Jusqu'à ce que l'imam monte sur le minbar. Et après Al-Jumu'ah, quelle est la sunna du prophète sallam? Naam? 4 ou 2 4 à la mosquée ou 2 à la maison. Tu as dit que tu allais faire une recherche. Pour l'après, je ne l'ai pas fait. Excusez-moi, je ne l'ai pas fait. Yani, la question qui était posée la semaine dernière, c'est est-ce qu'il est autorisé d'en faire 6? Est-ce qu'il est autorisé d'en faire 6 à la mosquée ou d'en faire 6 à la maison, d'en faire 4 à la maison et 2 à la mosquée? J'ai pas eu le temps de chercher. Ouais. Non. Taïb, ensuite, les comportements à avoir pendant le Jumu'ah. Quels sont les comportements à avoir et à respecter pendant le vendredi, le jour du vendredi? Naam. Ne pas séparer les frères. Ne pas séparer deux personnes assises. Taïb, ensuite. Naam. Se laver, faire al-rousl. Se parfumer. Mettre des beaux habits. Se rendre tôt à la mosquée. Naam. Aller à la mosquée à pied. Aller à la mosquée à pied. Mettre de l'huile dans les cheveux. Siwak. Naam, ça on l'a cité avant. Naam. Ahsan, de ne pas passer au-dessus des épaules. De ne pas enjamber les gens. Et de ne pas croiser ses mains aussi. On ne peut pas parler pendant. Donc là, ça en fait combien? Vous avez compté ou pas? Ça en fait 9. Être attentif, ça on avait parlé de juste avant que c'était une obligation d'écouter à l'imam le jour du vendredi et de ne pas parler. De ne pas jouer avec les pierres aussi. Quoi d'autre? Vous avez tout dit? Ça vient après. Ensuite, il y a aussi, parmi les paroles à dire, donc là c'est les actes, il y a la prière sur le professeur Asselem, le jour du vendredi. La prière du professeur Asselem, il est préférable et recommandé de la faire tout le temps, mais la recommandation est demandée encore plus le jour du vendredi. Ensuite, quelles sont les autres choses à faire, à dire, pardon? Surat al-Kahf, de lire Surat la caverne, et ensuite l'invocation, de faire beaucoup d'invocations et de rechercher l'heure d'exaucement. Une heure dont nous a parlé le professeur Asselem, qu'il y a un laps de temps. Quand le professeur Asselem dit une heure, ce n'est pas une heure, ce n'est pas 60 minutes. C'est un laps de temps. D'accord? Et au niveau de la religion, dans une journée, il y a combien d'heures? 12. Entre le lever du soleil jusqu'à l'heure du Maghrib, il y a 12 heures, 12 laps de temps. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de rechercher cette heure où les invocations sont exaucées, dans laquelle? Dans la dernière heure, qui est après l'Asr, jusqu'à l'heure du Maghrib. Et on avait dit qu'il y avait deux avis des savants à ce sujet. Quel est le premier? À partir du moment où l'imam monte sur le minbar jusqu'à qu'il en descende. À partir du moment où l'imam monte sur le minbar jusqu'à qu'il ait fini la prière. C'est un hadith rapporté par Muslim. Et le hadith que l'on a cité, après la prière du Asr jusqu'à l'heure du Maghrib. On avait dit que l'avis le plus sûr c'était le deuxième, après l'Asr jusqu'à l'heure du Maghrib. Et que Cheikh Al-Bani rahimahullah, le premier hadith, le hadith de Abu Moussa Al-Ash'ari, que Cheikh Al-Bani rahimahullah l'avait rendu faible, malgré qu'il soit dans Sahih Muslim. Et qu'on avait dit que cela n'était en aucun cas un rabaissement du livre Sahih Muslim, bien au contraire, cela nous prouve que le seul livre qui est parfait et qui ne contient aucune erreur, c'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Ibn Uthaymeen, lui, considère que l'avis le plus, l'heure la plus propice, c'est au moment où, où l'imam monte sur le minbar jusqu'à ce que la prière finisse. Et que l'avis le plus fort qui vient juste après celui-ci, c'est après l'Asr. Et que Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, lui, dit que les deux, il y a deux heures, la première au moment où l'imam monte sur le minbar jusqu'à ce qu'il finisse sa prière, et la deuxième après l'Asr jusqu'à l'heure du Maghrib. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, lui, considère uniquement le deuxième avis de la prière de l'Asr jusqu'à la prière du Maghrib. Non. Quand l'imam monte sur le minbar, les gens ils vont faire dua à quelle heure? Dans la maison, il ne faut pas parler. Non, pendant la prière. Parce que Cheikh Ibn Uthaymeen dit que pour lui, c'est le moment le plus propice, car c'est le moment où les gens sont rassemblés. Et plus les gens sont rassemblés, et plus leurs invocations sont susceptibles d'être exaucées. Ça, c'est un des arguments de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah. Donc, c'est un moment très court. Autrement dit, c'est le moment... Entre l'assise aussi de l'imam. Allahu a'lam, je ne sais pas ça. Je ne sais pas si, pendant l'assise de l'imam, il est autorisé de parler ou pas. Dans une khutbah. Moi, j'ai entendu Cheikh Ibn Uthaymeen, il a fait le khutbah, et quand il s'est assis, je l'ai entendu faire dehors. L'imam. L'imam, ouais. Ouais, mais l'imam, il peut dire... Il peut dire tais-toi. Il n'y a rien qu'il il a le droit. Et l'imam, il a le droit de parler. Là, on parle de l'imam. On parle de. Inch'Allah, je vais noter ça, Inch'Allah. Taïb. Ensuite, on avait dit que le Jumu'a se faisait où? La grande mosquée de l'imam. Qui est appelée en arabe Al-Masjidu Al-Jami'. Il y a Al-Masjidu Al-Jami'. Car en islam, en fonction des prières, il y a des endroits bien précis. Les prières en groupe, où se font-elles? Dans les mosquées des quartiers. D'accord? Tu fais la prière en groupe dans la mosquée qui est la plus proche de chez toi. Ensuite, al-Jumu'ah, elle doit se faire dans les grandes mosquées. D'accord? Si toi, tu avais l'habitude de faire tes prières en groupe dans des mosquées de quartier, s'il y a par exemple 5 quartiers, chacun de ces quartiers comporte une mosquée, et bien le Jumu'ah, le préférable, c'est de rassembler le plus de mosquées possible. D'accord? De ne pas prier dans ces 6 mosquées de quartier, mais de prier dans une grande mosquée qui contiendrait et rassemblerait tous ceux qui avaient pour habitude de prier dans ces mosquées bien précises. D'accord? D'où un des sens de le Jumu'ah, c'est de rassembler les gens. Et les savants disent: et le jour de l'Aïd, tu dois prier dans un endroit qui rassemble toutes ces mosquées al-Jami'a. Toutes ces grandes mosquées où les gens ont l'habitude de prier al-Jumu'ah. Le jour de l'Aïd, toutes ces mosquées doivent être rassemblées dans un endroit vaste, dans un terrain vague, pour pouvoir rassembler tous ces gens. Non. Donc ça, c'est le troisième tajammu'. Et il y a le plus grand des rassemblements qui est Al-Hajj, et en particulier Arafah. Arafah qui est le plus grand rassemblement que connaît la communauté musulmane, si ce n'est le plus grand rassemblement au monde. Il n'y a pas un endroit au monde où les gens se rassemblent et sont aussi nombreux que le jour d'Arafah. Donc il y a les prières en groupe, il y a la prière de Jumu'ah, il y a la prière des deux fêtes, et il y a le rassemblement de Arafah. Allahu a'lam. Ensuite, on avait dit lorsque Al-Jumu'ah, le vendredi et le jour de fête coïncidaient. Qu'est-ce que cela implique? Naam? Celui qui prie l'Aïd, il peut ne pas prier Jumu'ah, et celui qui prie Jumu'ah, il peut ne pas prier l'Aïd. C'est celui qui prie l'Aïd qui ne veut pas prier Jumu'ah. Naam, celui qui a prié l'Aïd, la prière des deux fêtes, il lui est autorisé, si ce jour de l'Aïd tombe à vendredi, de ne pas prier Al-Jumu'ah. De ne pas prier Al-Jumu'ah. Ça, c'est pour les gens qui prient. Et quant à l'imam, il doit il doit prier Al-Eid et Al-Jumu'ah, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa inna mujammi'un, et quant à nous, nous prierons Al-Jumu'ah. Et quant à nous, nous prierons Al-Jumu'ah. Pourquoi? Pourquoi est-ce que l'imam doit prier Al-Jumu'ah? Pour que, par exemple, celui qui a raté le salat Al-Eid, il puisse faire Al-Jumu'ah. Ahsan, pour que celui qui a raté la prière de la fête puisse prier Al-Jumu'ah, ou bien pour que celui qui veut faire les vœux. Pour que celui qui veut y assister, y assiste. Ou bien ce n'est pas une obligation pour lui-même. S'il veut ne pas le faire, il ne le fait pas. Parce que d'après ce qu'on a compris dans ce dernier, si je me rappelle bien, c'est ce que tu as dit. Tu as dit que ce n'était pas obligé, s'il ne voulait pas le faire, il ne le faisait pas. Mais c'était le Ahsan, c'était qu'il le fasse. L'auteur dit wa yastahabbu lil imam an yuqima al jumu'ah. Non, l'auteur dit que c'est préférable. L'auteur dit que c'est préférable. Non. Tayyib. Donc ça c'était pour la prière du vendredi. Maintenant on commence l'autre chapitre qui est l'avant-dernier du livre de la prière, qui est la prière des deux fêtes. Salatul Eidaini. Pourquoi est-ce que l'Eid est appelé l'Eid? Non? C'est une fête qui se répète. Aïwa. Kulla sana. Kulla sana. L'Eid, il est appelé ainsi Al-Eid car Ya'oud kulla sana, car c'est une fête ou une occasion qui se renouvelle tous les ans, d'où l'appellation Al-Eid. Et en islam, il y a combien de fêtes? Il y a combien de Eid? Deux, trois. Il y en a trois. Et les deux Eid et le Jumu'ah. Ahsan. En islam, il y a trois fêtes. La première fête qui est Eid al-Adha, la fête du sacrifice. Al-Fitr, naam. Eid al-Fitr, la fête à la fin du Ramadan, qui a lieu quand? Le premier de Shawwal, qui est Al-Eid, Eid al-Fitr, d'accord, qui clôture le jeûne du Ramadan. Ensuite, il y a Eid al-Adha, le Eid, la fête du sacrifice, qui elle a lieu le quel jour de Dhul-Hijjah? Al-Ashir min Dhul-Hijjah, le dixième jour du mois Dhul-Hijjah, d'accord, et c'est le jour qui suit Arafah, c'est le jour qui suit Arafah. Et le troisième jour de fête chez les musulmans, c'est Al-Jumu'ah, c'est la prière du vendredi, qui est une fête hebdomadaire. Et la communauté musulmane fête ces jours-là, non pas comme les autres, non pas en dansant, en chantant, etc. Car ces fêtes, elles ont lieu après ou pendant un acte religieux, ou pendant un événement religieux. Eid al-Fitr vient quand? Après le Ramadan. Eid al-Adha vient pendant Al-Hajj. Et le vendredi, il vient au moment de la khutbah, au moment de la prière. L'Eid, quand on parle de l'Eid, c'est la salah. D'accord? Dans le jour du vendredi, pourquoi est-ce que c'est une fête? Car il y a la prière et le discours du vendredi. D'accord? Et il est autorisé aux enfants de s'amuser, de faire des jeux qui ne comportent pas des désobéissances à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Sinon, les musulmans, comment est-ce qu'ils célèbrent leur fête? Ils la célèbrent en adorant Allah subhanahu wa ta'ala, en priant, en l'invoquant et en montrant leur joie. En montrant leur joie et leur sourire entre eux. D'accord? Car ils ont accompli, quand on parle de Eid al-Fitr, pourquoi est-ce que les musulmans sont heureux et sont joyeux? Car ils ont clôturé un mois béni, un mois du Ramadan. Taïb, hukmuha, le jugement des prières des deux fêtes. Wa salatul Eidaini wajibatun ala rijal wa nisa. لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها وأمره بالخروج لها. Les prières des deux fêtes sont obligatoires pour les hommes et pour les femmes, car le prophète صلى الله عليه وسلم les a toujours accomplies et a ordonné que l'on s'y rende. Et a ordonné que l'on s'y rende. Donc l'auteur dit, wa salatul eidain wajibah. Les prières des deux fêtes sont obligatoires. C'est l'avis le plus sûr, Wallahu a'lam. Il y a à ce sujet trois avis des savants. Certains savants disent que c'est un fard kifa'i, que c'est une obligation qui, lorsqu'elle est faite par une partie des musulmans, l'obligation est levée sur le reste. L'obligation est levée sur le reste des musulmans. Si une partie des musulmans s'en acquitte, elle n'est pas obligatoire pour le reste des musulmans. Et la preuve dans cela, ils disent car Salatul Eidain, les prières des deux fêtes, sont des choses légiférées min sha'a'ir l'islam. Ce sont des choses apparentes, des choses que l'on montre, des choses qui ont pour but de montrer la religion, de la montrer au grand jour. Il dit c'est comme l'adhan. Al-adhan, sha'ira min sha'a'ir l'islam. L'appel à la prière, c'est un acte qui permet de montrer et de proclamer l'islam. D'accord ? Et al-adhan, lorsque le mu'adhin s'en acquitte, les autres n'ont pas à le faire. Ils disent toute sha'ira, tout acte qui proclame l'islam et qui le montre au grand jour, cet acte-là n'est pas une obligation pour chacun des musulmans. Mais c'est une obligation pour une partie. Ça, c'est leur preuve. Ensuite, d'autres savants disent que la prière des deux fêtes, c'est une obligation pour chacun des musulmans. Et c'est l'avis le plus sûr, Wallahu a'lam, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, même aux femmes qui avaient pour habitude de ne pas sortir de chez elles, et a ordonné même aux femmes qui avaient leur menstrue de sortir et de se rendre à l'endroit du rassemblement. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux femmes, alors l'obligation est encore plus forte pour les hommes. D'accord ? Et le troisième avis, des savants qui disent que c'est une sunna fortement recommandée. Que c'est une sunna fortement recommandée. Et leur preuve dans cela, c'est le hadith de l'A'rabi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit qu'il y avait cinq prières obligatoires à accomplir. Et l'homme lui a dit... Le bédouin lui a dit Hal alayya ghayruhun, est-ce que j'ai d'autres prières obligatoires que je dois faire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit La illa antattawwa. Non, il n'y a pas d'autres prières obligatoires, sauf si tu veux en faire des surérogatoires. Donc certains savants ont dit que les prières obligatoires sont les cinq. Toutes les autres prières ne sont pas obligatoires. On avait déjà parlé de ce sujet. Comment répondre à cette ambiguïté? Comment répondre aux savants qui utilisent ce hadith? Naam? Naam? On avait dit que, en fait, quand il avait répondu que c'était les cinq obligatoires, il parlait des cinq journalières. Ahsant, que le bédouin, lorsqu'il a demandé au professeur Asselem quelles sont les prières obligatoires, le professeur Asselem lui a répondu que c'était les cinq. Pourquoi? Car c'était celles qui étaient faites tous les jours. D'accord ? Et le fait que le professeur Hassan lui a dit ces cinq prières obligatoires ne veut pas dire que les autres ne le sont pas. Et on a vu dans plusieurs dans le livre de la prière qu'il y avait plusieurs prières qui étaient obligatoires, que le professeur Hassan lui-même a ordonné. Idha dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn. Lorsque l'un d'entre vous entre à la mosquée, qu'il ne s'assied pas jusqu'à avoir prié deux rak'at. Qui a dit cela? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Et salat al-kusuf, pareil. Fafza'u ila salat. Lorsqu'il a l'éclipse, empressez-vous et accourez en ayant peur vers la prière. Qui a dit cela? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc, les savants, l'avis le plus sûr, c'est que la prière de l'Eid est obligatoire. Car elle a une cause. D'accord? C'est les fêtes. Et le professeur Hassam a ordonné aux femmes de sortir. Donc, il est obligatoire, selon l'avis le plus sûr, pour les femmes comme pour les hommes, de se rendre à la prière des deux fêtes. An ummi Atiyah qalat umirna أن نخرج العواتق وذوات الخضور. Parmi les preuves que c'est obligatoire, c'est le hadith de Umm Atiyya radiallahu anha qui dit que nous avons été ordonnés, ou on nous a ordonné de sortir al-awatiq. Al-awatiq, ce sont les femmes qui ne sont pas encore mariées, qui ont atteint l'âge de la puberté. Wa dhawat al-khudur est celle qui est pour habitude de rester chez elle. Al-khidru, c'est le voile de la maison. Autrement dit, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les femmes qui étaient pubères et qui n'étaient pas encore mariées, elles n'avaient pas pour habitude de sortir des maisons, comme à notre époque. Elles n'avaient pas pour habitude de sortir des maisons. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, comme le dit Umm Atiyya radhiyallahu anha, le jour de l'Aïd, de sortir ces femmes et ces filles qui n'ont pas pour habitude de sortir. وعن حفصة بنت سيرين قالت كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف فأتيتها فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة فكانت أختها معه في 6 غزوات فقالت فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة فقالت يا رسول الله على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها فليشهدنا الخير ودعوة المؤمنين حديث متفق عليه فقال قلت قال نعم فقال لتلبسها صاحبتها من جلبابها فليشهدنا الخير ودعوة المؤمنين Et selon Hafsa bint Sirin, elle dit « Nous interdisions aux filles de sortir le jour de l'Aïd. » Et une femme est venue et est venue dans le palais de Bani Khalaf. Les savants disent que ce lieu se trouve en Irak. « Fa'ataytuha » et Hafsa radiallahu anha est partie voir cette femme. فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم. Et cette femme lui a informé que la femme de son mari, que le mari de sa sœur, Afwan, que le mari de sa sœur avait combattu avec le prophète صلى الله عليه وسلم dans 12 batailles. فكانت أختها معه في 6 غزوات. Et sa sœur, donc la femme de cet homme, était avec lui pendant 6 batailles. فقالت فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة. Et nous nous occupions des malades et nous guérissions ou nous soignions les blessés. فقالت يا رسول الله. Et cette femme qui était avec le prophète صلى الله عليه وسلم a dit ô envoyé d'Allah, est-ce qu'il y a un mal pour l'une d'entre nous qui n'a pas d'habit à mettre pour sortir, est-ce qu'il lui est autorisé de ne pas sortir, autrement dit يوم العيد. فقال لتلبسها صاحبتها من جلبابها. Le professeur Hassan a dit que sa sœur lui donne des vêtements à porter. فَلَيَشْهَدْنَا الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ afin qu'elle assiste au bien et aux invocations des croyants. Autrement dit, le professeur Hassan n'a pas autorisé à la femme qui n'a pas de vêtements à mettre sur elle pour sortir et cacher ce qu'elle doit cacher de son corps. Le professeur Hassan ne lui a pas autorisé et a même ordonné à sa sœur de lui donner un vêtement à mettre sur elle pour pouvoir sortir et assister au bien de la prière des deux fêtes et également de participer aux invocations des croyants. Taïb, il y a une autre preuve que la prière du vendredi est obligatoire. Et ça, on l'a vu avant. On l'a vu avant dans Bab al-Jumu'ah, dans le chapitre de Jumu'ah. La prière de l'Aïd. Il y a une preuve que la prière de l'Aïd est obligatoire dans le chapitre de la prière du vendredi. C'est lorsque le vendredi coïncide, lorsque le jour de fête coïncide, le jour de al-Jumu'ah. On a dit que celui qui prie la prière de l'Aïd, il ne lui est pas obligé de prier al-Jumu'ah. Qu'est-ce qui a fait qu'il ne prie pas al-Jumu'ah? C'est la prière de l'Aïd. Or, une chose surérogatoire ne peut pas annuler une chose obligatoire. seule une chose obligatoire peut annuler une chose obligatoire. Et le Jumu'a, c'est même plus qu'obligatoire. Et c'est pour cela que les savants disent que le Jumu'a, comme le dit Cheikh Al-Albani, rahimahullah, Salatul Eid wajibatun mithl al-Jumu'a tamaman ou akad. Que la prière de l'Eid est une obligation comme la prière du vendredi, si ce n'est plus. Si ce n'est plus, car celui qui prie l'Eid ne lui est pas autorisé, il ne lui est pas obligatoire de prier al-Jumu'a, wallahu a'lam. وقتها l'heure de la prière des deux fêtes. عن يزيد بن خمير الرحبي قال خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر أو ضحى أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام فقال إن كنا قد فرقنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح. حديث صحيح رواه أبو داود وابن ماجه. L'heure de la prière des deux fêtes. Selon Yazid ibn Khumayr al-Rahabi, il dit Abdullah ibn Busr radiallahu anhu, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est sorti avec les gens un jour de fête, qui était le jour de fête, de l'Fitr ou de l'Adha, c'est-à-dire le jour de fête à la fin du Ramadan ou celui du sacrifice. فَأَنْكَرَ إِبْطَاءَ الْإِمَامِ. Et ce compagnon Abdullah ibn Busr a critiqué إِبْطَاءَ الْإِمَامِ, a critiqué le retard de l'imam, أي تأخير الإمام. فَقَالَ, et il a dit إِنَّا كُنَّا قَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هَادِهِ وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ. Et il dit, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avions déjà fini la prière de l'Aïd à cette heure-ci. وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ. Et ceci au moment du tasbih. Autrement dit, que la prière de l'Aïd, le prophète sallallahu alayhi wa sallam la faisait très tôt. Il la faisait même à partir de quand? حِينَ التَّسْبِيحِ. Qu'est-ce que ça veut dire حِينَ التَّسْبِيحِ? Au moment du tasbih. Au moment où il y a juste de faire salat. Après, au moment où il est autorisé de faire la prière, as-subha, حين التسبيح, أي في الوقت الذي تجوز فيه as-subha. Et as-subha, on avait dit que c'était al-nawafil. As-subha, c'est un des noms des prières surérogatoires. Autrement dit, qu'il est autorisé de faire salat al-Eid au moment où le soleil s'est levé et s'est élevé. À partir de ce moment-là, il est préférable de faire la prière de l'Aïd. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam la faisait au début de cette heure. Il la faisait au début. Et il avait tellement l'habitude de la faire au début que ce compagnon, radiallahu anhu, a reproché à cet imam d'être sorti en retard. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de la faire au début de cette heure. طيب الخروج إلى المصلى ومن الأحاديث السابقة تعلم أن محل صلاة العيد هو الخلاء وليس المسجد فقد كان صلى الله عليه وسلم يخرج لها وعمل بذلك من بعده. Il est donc de sortir vers le musalla, vers un terrain vague et vaste. Et ومن الأحاديث السابقة, et selon les hadiths cités précédemment, on sait que l'endroit dans lequel doit se faire la prière de la fête, huwa al-khala wa laysa al-masjid, c'est un terrain vague et non la mosquée. Faqad kana sallallahu alayhi wa sallam yakhruju laha, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortait le jour de l'Eid vers cet endroit vague. Wa umila bidhalika min ba'dih, et c'est ainsi qu'on fait ses compagnons radiallahu anhum et tous ceux qui sont venus après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ومن الأحاديث السابقة, et on déduit des hadiths précédents. Yani l'auteur n'a pas cité les hadiths dans leur totalité, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné même aux femmes qui ont leur menstrue de se rendre et d'assister à ce rassemblement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith وَلْيَعْتَزِلْنَا الْمُصَلَّى, et qu'ils s'abstiennent de rentrer dans l'endroit où les gens prient. Et que les femmes qui ont leur menstrue doivent se mettre à l'écart, mais elles doivent assister quand même à ce bien, sans pour autant entrer dans l'endroit où les gens prient. Taïb. Et les savants disent qu'il est autorisé de prier dans la mosquée en cas de grande nécessité ou de force majeure. Lorsqu'il y a un grand froid, lorsqu'il y a une pluie, une forte pluie, etc. Dans ce cas, il est autorisé aux gens de prier la prière de l'Aïd dans la mosquée et non dans les terrains vagues. Pour les femmes qui ont leurs règles, elles ne peuvent pas rentrer dans la mosquée à temps. Il y a un khilaf des savants sur ça. La femme qui a ses menstrues, est-ce qu'elle a le droit de rentrer dans la mosquée ou non? Certains savants disent que c'est autorisé, d'autres savants disent que ce n'est pas autorisé. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, lui autorise à la femme qui a ses menstrues de se rendre à la mosquée. Et il a pour preuve le hadith de Aïcha radhiallahu anha qui dit où le prophète sallam lui a dit "Isna'i ma yasna' al-hajj ghayra la tatufi bil bayt wa la tusalli." Le prophète sallam a dit à Aïcha radhiallahu anha lorsqu'elle avait ses menstrues, fais tout ce que le pèlerin fait si ce n'est de faire les tournées autour de la Kaaba et de prier. De faire les tournées autour de la Kaaba et de prier. Et Cheikh Al-Albani dit, un pèlerin, il entre dans la mosquée. Il entre dans la mosquée, donc il est autorisé à la femme de rentrer dans la mosquée. Et Cheikh Al-Albani ajoute en disant qu'il n'y a aucun hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a interdit à la femme qui a ses menstrues de se rendre à la mosquée. Wallahu a'lam. Et les autres savants l'interdisent, la plupart des savants l'interdisent, comme Cheikh Ibn Uthaymeen, Cheikh Ibn Baz et les autres, interdisent à la femme qui a ses menstrues de se rendre à la mosquée. Sauf si elle est de passage et qu'elle est amenée à traverser la mosquée, dans ce cas il est autorisé, mais de se rendre à la mosquée, d'assister à un cours, etc., cela n'est pas autorisé. Wallahu a'lam. Donc les savants disent que la prière de l'Aïd doit se faire dans un terrain vague, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour que le plus grand nombre de musulmans soient rassemblés et y assistent. Et certains savants ont dit sauf la mosquée de la Mecque. Sauf la mosquée de la Mecque, car il y a tout d'abord les mérites de la prière. Une prière dans cette mosquée en vaut 100 000. Et d'autres savants ont dit car la Mecque et la géographie de la Mecque est spécifique. Mecca, c'est que des montagnes. Et l'endroit le plus vaste à la Mecque qui peut comporter les gens, c'est la mosquée. La mosquée, elle est immense. Et elle peut comporter les gens. Et autour, il n'y a que des montagnes. Il n'y a que des montagnes au point où les autorités, au jour d'aujourd'hui, sont amenées ou sont obligées de détruire ces montagnes. Elle détruit ces montagnes petit à petit pour avoir plus d'espace autour de le Masjid al-Haram. هل يؤذن لها ويقام؟ Est-ce qu'il y a un adhan, un appel à la prière et une iqama pour la prière des deux fêtes? عن ابن عباس وجابر ابن عبد الله قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. Selon ابن عباس رضي الله عنه et جابر ابن عبد الله, ils ont dit il n'y avait pas de adhan le jour de l'fitr ni le jour de l'adha, le jour de la fête de l'fitr et la fête du sacrifice. Abdullah ibn Abbas et Jabir ibn Abdullah ont dit il n'y avait pas d'appel à la prière pour ces prières. Wa an Jabir an la adhana lis-salati yawm al-fitr hina yakhruj al-imam wa la ba'da ma yakhruj wa la iqama wa la nida wa la shay la nida yawma idhin wa la iqama. Rawahu Muslim. Et Jabir radiyallahu anhu a dit dans Sahih Muslim a donné plus de détails et a dit il n'y a pas d'appel à la prière pour la prière le jour de l'fitr, la fête de l'fitr, hina yakhruj al-imam, ni au moment où l'imam sort ni au moment où il est sorti. Il n'y a pas d'iqama juste avant la prière, il n'y a même pas d'appel wala nida comme la prière de l'kusuf, comme la prière de l'éclipse. On avait dit qu'il était légiféré pour l'imam de dire as-salatu Jami'a, la prière en groupe, la prière en groupe. Il n'y a pas cela également le jour de l'Aïd, le jour de la fête, wala shay, ni autre chose, La nida'a yawma'idhin wa la iqama. Et il insiste encore en disant, il n'y a pas d'appel ni d'iqama ce jour-là. Et il y a un autre hadith que l'auteur n'a pas cité, c'est le hadith de Jabir ibn Samurah, rapporté par Muslim, qui dit qu'il a prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus d'une fois sans adhan ni iqama. Sans adhan ni iqama. Donc ces paroles des compagnons radhiyallahu anhum, qui sont des paroles qui sont catégoriques, nous prouvent sans aucun doute que le fait de faire al-adhan et al-iqama le jour de l'Aïd, c'est une innovation. C'est une innovation qui n'a aucune source dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sifatu salah, la description de cette prière. Salatul Eid rak'atani yukabbaru fiha thintay ashara takbira sab'an fil ula ba'da takbirati l'ihram wa qabla al-qira'a wa khamsan fil thaniyati qabla al-qira'a. La prière de l'Eid est composée de deux rak'at. يكبر فيها ثنتي عشرة رك ثنتي عشرة تكبيرة نعم فيهما يكبر فيهما أحسن يكبر فيهما ثنتي عشرة ثنتي عشرة عشرة تكبيرة سبعا في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة. Donc la prière de l'Eid comporte deux rak'at et elle comporte 12 takbir, 7 takbir dans la première rak'a, après le premier takbir, après takbir et l'ihram, wa qabla al-qira'a, et avant la lecture, wa khamsan fi thaniya qabla al-qira'a, et 5 takbir dans la deuxième rak'a. Donc l'imam dit Allahu Akbar, le premier takbir, le takbir sacré qui fait entrer la personne dans la prière, puis il rajoute 7 takbir. Et dans la deuxième rak'a, lorsqu'il se relève, il dit 5 takbir avant la lecture. عن عمر ابن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة. Quelle est la preuve? C'est le hadith de Amr ibn Shu'aib, selon son père, selon son grand-père, qu'il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a fait le takbir pendant les deux fêtes, 7 dans la première rak'ah et 5 dans la dernière. Hadith authentique rapporté par Ibn Majah. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في الفطر والأضحى سبعا وخمسة سوى تكبيرتي الركوع. Et selon Aïcha رضي الله عنها, le prophète صلى الله عليه وسلم a fait le takbir pendant la prière des deux fêtes, la fête de l'Fitr et de l'Adha et du sacrifice, 7 et 5. Siwa takbiratay ruku', sans compter les deux takbirs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait avant de s'incliner. Hadith authentique apporté par Ibn Majah et Abu Daoud. Avec le takbir al-ihram ou pas? Sans takbir al-ihram. C'est-à-dire en tout on n'en entend que 12. Comment ça? Tout à l'heure tu as dit que 7 après le takbir al-ihram qui fait 8 en tout. Non. Plus 5. Des takbirs que le professeur Sam faisait, qu'il rajoutait. Ah, qu'il rajoutait. Le professeur Sam faisait takbirat al-ihram, puis il a rajouté 7. En tout, t'en as entendu combien? 8. D'accord. Et lorsque l'imam se lève de la première vers la deuxième, il fait un takbir pour se relever. Ce takbir-là n'est pas compté dans les 5. C'est lorsqu'il se lève, avant de commencer sa lecture, c'est là où il dit les 5 takbirs. Il y a une autre sunna que peu de gens connaissent, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait aussi 4-4. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait aussi 4 takbir dans le premier et 4 dans le deuxième. Le hadith est jugé bon par Cheikh Al-Albani rahimahullah. Il dit même que la personne a le choix entre faire 4 dans la première et 4 dans la deuxième, ou de faire 7 dans la première et 5 dans la deuxième. Mais que ce que le prophète sallam faisait le plus souvent, c'est 7 et 5. Mais il est autorisé à la personne de temps en temps d'en faire 4 et 4. Ça fait 14 en tout. Hein. Non. Ça fait 14 en tout. C'est-à-dire sans compter le premier de la première et la première et la deuxième takbira de la deuxième. Si on compte la première, après il y en a 7. Non. La deuxième, Non, tout si tu comptes dans toute la prière, il y en a plus. Ouais, parce que quand tu fais il y a le rukou', il y a le sujoud, il y a le raf' sujoud. Là, on parle des takbir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait et qu'il rajoutait en plus des prières normales, en plus des prières habituelles. D'accord ? Si tu fais la différence entre deux rak'at et la prière de l'Aïd, en tout, il y a combien de takbir en plus ? 12. Les 7 que tu as rajouté plus les 5. Qu'est-ce qu'il y a? Il est rapporté aussi par Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu qu'il dit Bayna kulli takbirataini hamdun lillahi azza wa jal wa thana'un ala Allah. Qu'il est autorisé entre les takbir de dire alhamdulillah et de faire les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le dit Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. Al-qira'atu fiha, la lecture pendant cette prière. عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. Selon النعمان بن بشير, le prophète صلى الله عليه وسلم lisait pendant les deux fêtes, pendant la prière des deux fêtes et pendant la prière du vendredi, dans la première raka'a, سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية et هل أتاك حديث الغاشية dans la seconde. Hadith authentique rapporté par Muslim Abu Daoud. Naam? Surat Shams. Allah a'lam. Nadri. Wa an Ubaydillah ibn Abdillah qala kharaja Umaru yawm al-Eid fa'arsala ila Abi Waqidin al-Layfi bi'ayi shay'in kana an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqra'u fi mithli hadha al-yawm qala biqaf waqtarabat. Hadith sahih rawah Muslim. Et selon Ubaydillah, le fils de Abdullah, il dit que Omar radiallahu anhu est sorti le jour de l'Eid et a demandé ou a envoyé une personne aller demander à Abi Waqid al-Layfi. Et cet homme, Omar ibn Khattab, a envoyé un homme pour aller lui demander avec quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait pendant ce jour, c'est-à-dire le jour de l'Eid. Et Abi Waqid al-Layfi a répondu qala biqafin waqtarabat, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait sourate Qaf et sourate Iqtarabat, qui est sourate Al-Qamar. Iqtarabat al-Sa'ah wa nshaqqa al-Qamar. Donc de lire dans la première raka'ah, quelle sourate il faut lire dans la première raka'ah? Ou hal ataka hadith al-ghashiyah ou Qaf ou Iqtarabat? Al-Ghashiyah c'est dans la deuxième. Al-Ghashiyah c'est dans la deuxième. Et celui qui veut faire Qaf Iqtarabat, il lit Qaf et Iqtarabat en second. Al-Khutbatu ba'daha, le discours après. عن ابن عباس قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. حديث متفق عليه. سنة عبد الله بن عباس il dit j'ai assisté à la prière de la fête avec le prophète صلى الله عليه وسلم, avec Abu Bakr, avec Omar, avec Uthman, qu'Allah les agréé, et tous prier avant le discours. Tous priaient avant le discours, hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc le discours doit se faire après la prière. Le discours doit se faire après la prière. As-salatu, naam. Le tisbih qu'ils font avant la salat, avant le khutbah, avant la salat, dans le ils font le tisbih ensemble. On va parler après, inchallah, ça arrive après. As-salatu qablaha wa ba'daha. La prière avant et après la prière des deux fêtes. An ibn Abbas, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam salla yawm al-fitr rak'atayni lam yusalli qablaha wa la ba'daha. Hadith muttafaqun alayhi. Et selon Abdullah ibn Abbas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié le jour de l'Eid al-fitr, deux rak'at, c'est-à-dire les deux rak'at de la prière de la fête. Lam yusalli qablaha wa la ba'daha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a prié ni avant ni après. que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a prié ni avant ni après. Autrement dit, qu'est-ce qu'on déduit de ce hadith? Non? Qu'il n'y a pas de sunna ni avant cette prière ni après cette sunna, après la prière. Il y a une souffrance pour cette prière. Pour qui? Pour le prophète lui-même. Pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour l'imam. L'imam, les savants disent, à l'unanimité des savants, que l'imam, lorsqu'il sort de chez lui et qu'il va se rendre à l'Musalla, à l'endroit pour prier, il ne lui est pas légiféré de faire deux rak'at. Il rentre dans le terrain vague et commence la prière directement. Il n'a pas de prière à faire avant ou après. Mais ceux qui sont présents, est-ce qu'ils ont le droit de prier avant ou après? De faire des prières surérogatoires pures. Il n'y a rien qui l'interdit. Mais le mieux, comme on le verra après, c'est de s'occuper à faire le takbir. De s'occuper à dire Allahu Akbar, comme on va le citer après. Mais rien n'interdit à une personne de faire des prières surérogatoires en attendant l'arrivée de l'imam. Donc là, l'auteur parle de l'imam. Ma yustahabu yawm al-eid. Ce qu'il est préférable de faire le jour de l'Aïd. أولا الاغتسال عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن الغسل فقال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم الأضحى. La première chose, c'est le lavage, de se laver. Selon Ali رضي الله عنه, qu'il était questionné sur le lavage, il a répondu le jour du vendredi, le jour de Arafah, le jour de la fête de l'Fitr et le jour de la fête du sacrifice. C'est un hadith jugé bon par Cheikh l'Albani rahimahullah. Il faut savoir à ce sujet qu'il n'y a pas de hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous prouve que il est légiféré de faire le lavage le jour de l'Aïd. Il n'y a pas de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentique. La seule chose que l'on a, c'est la parole de Ali radiallahu anhu, lorsque cet homme lui a questionné sur le lavage, qu'en est-il? Il lui a répondu, le lavage est légiféré le jour du vendredi, le jour de Arafah pour ceux qui sont à Arafah, et le jour des deux fêtes. Donc, c'est le hadith de Abdullah ibn Omar, qui disait qu'il se lavait il y a aussi le hadith d'Abdullah ibn Omar, mais sur son authenticité, il y a un doute. Il y a un doute sur l'authenticité du athar d'Abdullah ibn Omar, car certains savants disent aussi que ce qui est rapporté, il a été rapporté aussi par Abdullah ibn Omar, radiallahu anhu, qu'il se lavait le jour de l'Aïd. Et Abdullah ibn Omar était connu pour suivre scrupuleusement la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce athar d'Abdullah ibn Omar n'est pas authentique. Le seul qui est authentique, c'est celui de Ali, radiallahu anhu. Deuxièmement, l'ubsu ahsani thiyab. An ibn Abbas, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yalbisu yawm al-eid burdatun hamra. Hadithun isnaduhu jayyid. Deuxièmement, de mettre les meilleurs vêtements. Selon Abdullah ibn Abbas, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait le jour de l'Eid un manteau rayé rouge, un manteau rayé rouge. ثالثا الأكل يوم الفطر قبل الخروج عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. حديث صحيح رواه البخاري والترمذي. Troisièmement, de manger le jour de la fête de l'Fitr avant de sortir. Selon Anas radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sortait pas le jour de la fête de l'Fitr jusqu'à ce qu'il ait mangé des dattes. Donc la sunna, le jour de l'Fitr, Eid al-Fitr, c'est de manger avant de sortir. De manger, c'est pas spécifique des dattes, tu peux manger, boire un café maintenant. Mais le mieux, c'est de faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. رابعا تأخير الأكل يوم الأضحى حتى يأكل من أضحيته عن أبي بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم النحر حتى يذبح. Donc quatrièmement, c'est de retarder le fait de manger le jour de l'Adha, le jour de la fête du sacrifice, jusqu'à manger de la bête sacrifiée. An Abi Burayda, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sortait pas le jour de Yawm al-Fitr, de la fête du Fitr, jusqu'à avoir mangé. Et il ne mangeait pas le jour du sacrifice jusqu'à avoir égorgé. Jusqu'à avoir égorgé, hadith authentique apporté par At-Tirmidhi et Ibn Khuzaymah. Donc le jour, la fête à la fin du Ramadan, on mange avant de sortir. Et Eid al-Adha, le jour du sacrifice, le mieux, c'est de ne pas manger jusqu'à avoir égorgé son mouton. خامسا مخالفة الطريق عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق de changer de chemin. Selon Jabir, le prophète صلى الله عليه وسلم le jour de l'Eid changeait de chemin. Hadith rapporté par Al-Bukhari authentique. Qu'est-ce que ça veut dire changer de chemin? Ne reprenez pas le chemin, c'est l'aller qu'au retour. Le chemin du retour n'était pas celui de l'aller. Que le prophète sallam ne prenait pas le même chemin qu'il avait pris à l'aller pour le retour. Excuse-moi, tu connais pas la sagesse dans ça? Certains savants ont dit pour que la terre témoigne pour toi, pour qu'il y ait plus de pour que la terre témoigne pour toi, et pour qu'il y ait plus de chemins possibles qui soient témoins pour toi le jour du jugement. Wallahu a'lam. Il y a un autre hadith qui nous prouve cela, hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il sortait pendant les deux fêtes, il revenait par un autre chemin par lequel il est sorti. Hadith authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah. Sixièmement, at-takbir fi ayyam al-eidain. Ce qui est préférable également le jour de l'Eid, c'est d'accentuer ou de multiplier les takbir, de dire Allahu Akbar. La preuve, قال الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وذلك في الفطر. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens du verset, afin que vous complétiez le nombre, c'est-à-dire afin que vous complétiez le nombre de jours de jeûne. Et afin que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé, afin que vous soyez reconnaissants. Donc cela est une preuve que At-Takbir est légiféré quand? Eid al-Fitr, à la fin du Ramadan. Pourquoi? Car Allah subhanahu wa ta'ala dit wa tukmilu al-iddah, afin que vous complétiez le nombre de jeûnes, et ensuite, dès que ce nombre de jeûnes est complet, c'est-à-dire que le mois du Ramadan est fini, walitukabbirullah, et afin que vous proclamiez la grandeur d'Allah, autrement dit le jour de l'Aïd. Wa fil adha, et la preuve concernant le takbir, le jour du sacrifice, qala ta'ala wadhkurullah fi ayyamin ma'dudat, et rappelez-vous Allah, ou faites le rappel d'Allah pendant des jours bien définis. Fi ayyamin ma'dudat. Quels sont ces jours bien définis? Trois jours de l'Adha, qui est permis à la personne d'égorger. Naam. Pendant combien de jours la personne a le droit d'égorger? Trois ou quatre? Quatre jours. Donc en tout ça fait 4 jours. Ayyam ma'dudat, les savants disent wa yawm al-'id wa ayyam at-tashriq. C'est le jour de l'Eid et les jours du Tashriq, et les jours du Tashriq sont les 3 jours qui viennent après l'Eid. Car beaucoup pensent que ayyam at-tashriq, l'Eid en est le premier. Non. Le jour de l'Eid est un jour à part entière, puis le suivent les 3 jours de At-Tashriq. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ayyamu tashriq, ayyamu tashriq, ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrin lillah. Car certains savants disent qu'il est déconseillé de jeûner les jours de Tashriq. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les jours du Tashriq sont des jours dans lesquels on mange, on boit et on se rappelle Allah, et on fait le rappel d'Allah. Et donc les savants qui déconseillent de jeûner les ayyam al-tashriq, il parle des 3 jours qui suivent Yom al-Eid. Car de jeûner Yom al-Eid, ce n'est pas seulement déconseillé, mais c'est interdit. وقال تعالى كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala vous les a facilités afin que vous proclamiez sa grandeur pour vous avoir mis sur le droit chemin. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit كذلك سخرها لكم, il parle de quoi? Il parle des bestiaux, des bêtes. Car le début du verset c'est لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهَا وَلَا يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. Que ni le sang ni la viande de ces bêtes n'atteignent Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. Mais ce qui atteint Allah subhanahu wa ta'ala c'est la piété de votre part. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous les a donnés, vous les a facilités, c'est-à-dire ces bêtes que vous avez gorgées, لِتُكَبِّرُوا, afin que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir mis sur le droit chemin. Et quand est-ce que l'on égorge nos bêtes? C'est يَوْمُ الْعِيدِ, c'est le jour de la fête du sacrifice. Même s'il est autorisé de les faire ayam tashriq, mais le préférable c'est de dégorger sa bête de suite après salat al-Aïd, de suite après la prière de la fête. Autrement dit, on en déduit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de glorifier ou de proclamer sa grandeur quand? Dans ce verset? Le jour de l'Aïd, Aïd al-Fitr. ووقته في الفطر من حين يخرج إلى المصلى حتى يصلي. À partir de quand la personne doit commencer et faire ce takbir? L'auteur dit et son heure, le jour de l'fitr, commence du moment où il sort jusqu'à ce qu'il prie. Du moment où il sort jusqu'à ce qu'il prie. Et ça, c'est une sunna qui est délaissée de beaucoup de gens. Car le takbir, le jour de l'fitr, doit commencer au moment où tu sors de chez toi. La plupart des musulmans, quand est-ce qu'ils commencent le takbir? Lorsqu'ils se rendent à al-musalla ou lorsqu'ils rentrent à la mosquée, c'est là où ils commencent à faire le takbir. Non. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de commencer le takbir au moment où tu sors de chez toi. Comme le dit Cheikh al-Albani rahimahullah, que c'était une sunna qui est délaissée malheureusement. قال ابن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن أبي الدب عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي الصلاة فإذا قضى الصلاة قطع التكبير. Dans le مصنف de ابن أبي شيبة il dit que Yazid ibn Harun rapporte selon Ibn Abi Di'b, selon Az-Zuhri, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortait le jour de l'fitr en faisant le takbir jusqu'à arriver à Al-Musalla, l'endroit, le terrain vague où se fait la prière de la fête, wa hatta yaqdi as-salah, et jusqu'à ce qu'il termine la prière, fa'idha qada as-salah qata' al-takbir. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam terminait la prière, il arrêtait le takbir. قال الألباني شيخ الألباني يدي وهذا سند صحيح مرسلا. Que ce hadith est authentique mais il est mursel. Qu'est-ce qu'un hadith mursel? Non? C'est un hadith qui va pas jusqu'au prophète qui s'arrête au sahabi. Non. Un hadith qui s'arrête au sahabi, c'est un hadith mawquf. C'est un hadith qui il manque un intermédiaire entre le tabi'i et le prophète. Ahsant. Al-hadith al-mursal, c'est lorsque la dernière personne est manquante. La dernière personne avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autrement dit, c'est lorsque le compagnon n'est pas présent. Comme le disent les savants, wa mursalun minhu as-sahabi yusaqat. Et le mursal, c'est le hadith dont il n'y a pas de compagnon. D'où dans la chaîne de transmission, le compagnon a été enlevé. Et pourquoi est-ce que le hadith mursal fait partie de laquelle catégorie des hadiths? Min qismi al-da'if. Le hadith mursal, un hadith dont le compagnon, le nom du compagnon a été amputé, c'est un hadith qui fait partie des hadiths faibles. D'accord ? Pourquoi est-ce que c'est un hadith faible ? Parce qu'entre le tabi'i et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous prouve que c'est un compagnon ? Les compagnons, la règle dans l'ilm al-hadith, as-sahaba kulluhum udul. Les compagnons, leur authenticité n'est jamais mise en doute. Ils sont tous justes et leur hadith est accepté, les yeux fermés. Ça, c'est une règle dans l'ilm al-hadith. Jamais tu n'entendras un savant dire c'est un compagnon, wa huwa sayyul hifdh. C'est un compagnon et sa mémoire n'était pas bonne. C'est interdit de dire ça. As-sahaba kulluhum udul. Les compagnons, tu n'as pas le droit de dire de mal sur eux. Lorsqu'ils rapportent un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu le prends les yeux fermés et le cœur ouvert. Mais à partir du moment où il y a un tabi'i qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans passer par un compagnon, là, on n'a pas de garantie que la personne manquante, c'est un compagnon. Si on a la garantie que c'est un compagnon, alors on peut juger le hadith authentique. Mais si on n'a pas de garantie, le hadith est alors mursel et entre dans qism da'if, il entre dans les hadiths faibles. Et Cheikh Al-Albani dit, ce hadith est faible. Pourquoi ? Car qui parle ? Qui rapporte le hadith ? C'est Az-Zuhri. C'est Az-Zuhri qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana yakhruj yawm al-fitr. Et Cheikh Al-Albani dit wa hada sanadun sahihun mursala wa qad ruwiya min wajhin akhar. Et Cheikh Al-Albani dit, et ce hadith a été rapporté par un autre chemin, selon Abdullah ibn Umar, jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Akhrajahu al-Bayhaqi min tariqi Abdullah ibn Umar an Nafi' an Abdullah ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana yakhruju fil 'idayn ma'a al-Fadl ibn Abbas wa Abdullah ibn Abbas wa Ali wa Ja'far wal Hasan wal Husayn wa Usama ibn Zayd wa Zayd ibn Haritha وأيمن بن أم أيمن رضي الله عنهم رافعا صوته بالتهليل والتكبير فيأخذ طريق الحذائين حتى يأتي المصلى وإذا فرغ رجع على الحذائين حتى يأتي منزله قال البيهقي وهذا أمثل من الوجوه المتقدم قلت أي الألباني ورجاله ثقات رجال مسلم غير عبد الله بن عمر وهو العمري المكبر قال الذهبي صدوق في حفظه شيء ورمز له هو وغيره بأنه من رجال مسلم فمثله يستشهد به فهو شاهد صالح لمرسل الزهري فالحديث صحيح عندي موقوفا ومرفوعا والله أعلم. الشيخ الألباني رحمه الله dit que le hadith que l'on a cité selon Az-Zuhri qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le takbir au moment où il sortait jusqu'à arriver à Al-Musalla et qu'il l'arrêtait à la fin de la prière, Cheikh Al-Albani dit, vient appuyer ce hadith, malgré qu'il soit faible, un autre hadith qui lui est authentique, rapporté par Al-Bayhaqi, selon Abdullah ibn Umar, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti ou sortait le jour des deux fêtes avec Al-Fadl ibn Abbas, ainsi qu'avec Abdullah ibn Abbas, avec Ali, avec Ja'far, avec Al-Hassan, Al-Hussein, avec Usama ibn Zayd, avec Zayd ibn Haritha, avec Ayman ibn Ummi Ayman, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agréé, rafi'an sawtahu bit-tahlil wa takbir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait sa voix, élevait sa voix en disant le tahlil et le takbir, en disant la ilaha illallah et Allahu akbar. فيأخذ طريق الحذائين, il passait par un chemin appelé الحذائين حتى يأتي المصلى, jusqu'à arriver à l'endroit de la prière. وإذا فرغ رجع على الحذائين حتى يأتي منزله, et lorsqu'il terminait sa prière, il retournait par le chemin الحذائين jusqu'à arriver chez lui. Le Cheikh Al-Albani rahimahullah a dit que ce hadith, qu'il considérait ce hadith comme étant authentique. C'est clair ? ووقت التكبير في الأضحى من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. Et l'heure du takbir pendant la fête du sacrifice commence de l'heure du subh, le jour de Arafah, jusqu'à l'heure de l'asr, du dernier jour de Ayam al-Tashriq. صح ذلك عن علي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم. Comme cela a été rapporté de façon authentique selon Ali, selon Abdullah ibn Abbas et selon Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée. Quand est-ce que le takbir commence? Le jour de Eid al-Adha? Yawm al-Arafah, qui est le jour, le 9e jour de Dhul-Hijjah. Autrement dit, il t'est autorisé de commencer le takbir la veille de l'Eid. La veille de l'Eid, à l'heure de Subh. Donc tu as le droit de faire le takbir tout le jour de Arafah, Yawm al-Eid, et les 3 jours de Tashriq. Autrement dit, ça fait combien de jours? 5 jours. 5 jours, et le takbir doit s'arrêter à l'heure de l'Asr du 3e jour de Ayyam al-Tashriq. Et donc il a été rapporté selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anh, qui disait al-takbir 2 fois les jours de Tashriq. Il disait Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. أخرجه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح ولكنه ذكره في مكان آخر بالسند نفسه بتثليت التكبير وكذلك رواه البيهقي عن يحيى بن سعيد عن الحكم وهو ابن الفروح أبو بكار عن عكرمة عن ابن عباس بتثليت التكبير وسنده صحيح أيضا. Il était rapporté aussi de façon authentique selon Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه qu'il disait aussi التكبير 3 fois, qui disait Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Et donc comme le dit l'auteur, la personne a le choix à partir du moment où elle entre dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans le takbir, elle peut dire les formules qu'elle désire et qu'elle souhaite. Juste un point que j'ai oublié de vous dire, c'est concernant la prière de l'Eid, celui qui la délaisse, celui qui arrive en retard, comment est-ce qu'il fait? Il rentre, il y récupère, il ne rattrape pas. Celui qui rentre à la première raka'a, il termine. Celui qui arrive en retard, si c'est un fard pour lui, il doit le rattraper. Il y a un khilaf des savants à ce sujet. Certains savants, comme Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, dit que le salat al-Eid ne se rattrape pas. Que le salat al-Eid ne se rattrape pas. Car c'est une prière qui doit se faire en groupe. C'est une prière qui a été légiférée en groupe. D'accord? Et si tu la rates, il ne t'est pas légiféré de la refaire. Et a suivi cet avis, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, il est du même avis que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, lorsque tu rates salat al-Eid, la taqdiha, fa'innaha tasqutu alayk. Tu ne la rattrapes pas, car elle est passée. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah, lui, considère qu'il t'est autorisé de la rattraper si tu l'as laissée et que tu es excusé. Si tu arrives en retard et que tu es excusé, alors il t'est autorisé de la rattraper. Car Cheikh Al-Albani part du principe que toute prière est rattrapable. Que toute prière est rattrapable. À partir du moment où tu es excusé, que tu as délaissé une prière ou que tu n'as pas pu l'accomplir, alors que tu es excusé, alors il t'est autorisé de la rattraper. Il était rapporté par certains compagnons radiyallahu anhum, comme Anas radiyallahu anhu, qu'il avait prié à l'Aïd chez lui, qu'il avait manqué la prière de l'Aïd et qu'il avait prié chez lui avec sa famille. Wallahu a'lam. On a fait bihad al-qadr. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Quant à la semaine prochaine, il y aura le dernier chapitre qui est la prière de la peur. On terminera par là le livre de la prière, Kitab al-Salah, et ensuite inchallah on commencera comme le Ramadan approche, Kitab al-Siyam. Après le livre de la prière, on va commencer le livre du jeûne. إن شاء الله تعالى وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.